Première culotte. Pour l'enfant, le grand désir est de devenir un homme. Or, le premier symptôme de la virilité, le premier pas sérieux fait dans la vie, est marqué par l'usage de la culotte. Cette première culotte est un événement que le papa souhaite et que la maman redoute. Il semble à la mère que ce soit un commencement d'abandon. Elle regarde d'un œil humide le cotillon délaissé pour toujours et se dit « La première enfance est donc terminée ? Déjà mon rôle va bientôt cesser. Il va avoir de nouveaux goûts, de nouveaux désirs. Il n'est déjà plus moi-même. Sa personnalité s'accuse. C'est quelqu'un. C'est un garçon. » Le père, tout au contraire, est ravi. Il rit dans sa moustache en regardant les petits mollets cambrés qui sortent du pantalon. Il tâte ce petit corps dont on saisit nettement le contour sous le nouveau vêtement et il se dit « Comme il est bâti le gaillard, il aura comme moi les épaules larges, les reins solides, comme ses petits pieds reposent franchement à terre. Il voudrait lui voir des bottes, pour un rien, il lui achèterait des éperons. » Il commence à s'apercevoir lui-même dans le petit être qui vient de lui. Il le regarde avec de nouveaux yeux et, pour la première fois, il trouve un charme extrême à l'appeler « mon garçon ». Quant au bébé, il est ivre, il est glorieux, il est triomphant, quoique un peu embarrassé de ses bras et de ses jambes, et soit dit sans vouloir l'offenser, il ne ressemble pas mal à ces petits caniches qu'on a tendus à l'approche de l'été. Ce qui le gêne beaucoup, le pauvre petit homme, c'est son passé. Que d'hommes sérieux, je vous le demande, éprouvent le même inconvénient. Il sent très bien que culotte oblige, qu'il lui faut maintenant de nouvelles allures, de nouveaux gestes, un nouveau timbre de voix. Il commence à lorgner du coin de l'œil les mouvements de son papa, qui n'en est pas mécontent. Il tente maladroitement un geste masculin, et cette lutte entre son passé et son présent lui donne pendant quelque temps la démarche la plus comique du monde. Son cotillon le poursuit et véritablement il enrage. Première culotte chérie, je t'aime parce que tu es une amie fidèle et que je retrouve à chaque pas de la vie toi et ton cortège de douces sensations. N'es-tu pas la vivante image de l'illusion nouvelle qui caresse notre vanité? Vous, mon officier, qui mesurez encore vos moustaches dans la glace et venez de mettre pour la première fois l'épaulette et le ceinturon doré, qu'éprouviez-vous en descendant votre escalier lorsque vous avez entendu le fourreau de votre sabre qui faisait tic-toc-tac sur les marches, lorsque sanglaient, peignaient, bottaient les coudes en dehors, le képi sur l'oreille, vous vous êtes trouvé au milieu de la grande rue et qu'une force irrésistible vous poussant, vous avez contemplé votre image dans les bocaux du pharmacien. Osez dire que vous ne vous êtes point arrêté devant ces bocaux. Première culotte que tout cela, mon lieutenant. Vous la retrouverez encore, la joyeuse culotte, quand vous passerez capitaine et que vous serez décoré. Et plus tard, quand, vieux grognard à moustache grise, vous prendrez une mignonne compagne pour vous rajeunir, vous la remettrez encore. Mais cette fois-ci, la chère enfant vous aidera à la porter. Et le jour, mon officier, où vous n'aurez plus affaire à elle, hélas, ce jour-là, vous serez bien bas. Car la vie tout entière est dans ce vêtement précieux. L'existence n'est pas autre chose. Mettre sa première culotte, l'enlever, la remettre et mourir en la regardant. Est-il donc vrai que la plupart de nos joies n'est pas de cause plus sérieuse que celle des enfants? Sommes-nous donc si naïfs? Et mon Dieu, oui, mon cher monsieur, nous sommes naïfs à ce point que nous ne croyons pas l'être. Nous ne nous débarrasserons jamais complètement de nos langes, voyez-vous bien. Il en reste toujours un petit bout qui passe. Il y a un bébé dans chacun de nous, ou pour mieux dire, nous ne sommes que des bébés grossis. Voyez ce jeune avocat qui se promène longuement dans la salle des pas perdus. Il est rasé de frais, dans les plis de sa robe toute neuve, il cache une montagne de dossiers. Et sur sa tête, où l'univers s'agite, se dresse une belle toque qu'il a achetée hier et que ce matin il a coquettement défoncée d'un coup de poing. Ce jeune homme est heureux. Au milieu du vacarme général, il distingue l'écho de ses pas et le bruit sonore de ses bottes lui fait l'effet de faux bourdon de Notre-Dame. Tout à l'heure, il trouvera le moyen de descendre le grand escalier et de traverser la cour en costume. Vous pouvez être sûr qu'il ne se déshabillera que pour aller dîner. Que de joie dans ces 5 mètres de lustrine noire, que de bonheur sous ce vilain drap tendu sur le carton. Première culotte, je crois te reconnaître. Et vous, madame, avec quel bonheur ne retrouvez-vous pas, à chaque nouvelle saison, ces jouissances que cause l'habit neuf ? Ne nous dites pas, je vous en prie, que ces jouissances-là sont secondaires, car leur influence est absolue sur votre humeur et votre caractère. Pourquoi, je vous le demande, avez-vous trouvé dans le sermon du révérend père Paul tant de logique entraînante, d'éloquence persuasive ? Pourquoi avez-vous pleuré en sortant de l'église ? Et avez-vous embrassé votre mari en rentrant chez vous ? Vous le savez mieux que moi, madame. C'est que ce jour-là, vous aviez essayé ce mignon chapeau jaune qui est un bijou, j'en conviens, et vous fait paraître deux fois plus joli. Ces impressions-là ne s'expliquent pas, mais elles sont invincibles. Il y a là peut-être un peu d'enfantillage, vous en convenez, mais ce sont de ces enfantillages dont on ne peut se débarrasser. Et comme preuve, c'est qu'un autre jour, retournant à Saint-Thomas pour entendre le révérend père Nicolas, qui est pourtant un de nos flambeaux, vous avez éprouvé des sentiments tout autres. Un mécontentement général, des doutes, une irritabilité nerveuse à chaque phrase de l'orateur. Votre âme ne s'élançait plus vers Dieu avec le même abandon. Vous êtes sorti de Saint-Thomas ayant les pieds froids et la tête chaude, et vous vous êtes oublié en montant en voiture jusqu'à dire que le révérend père Nicolas est un gallican sans éloquence. Votre cocher l'a entendu. Et enfin, en rentrant chez vous, vous avez trouvé votre salon trop étroit et monsieur votre mari engraissé. Pourquoi, je vous le demande encore, cette suite d'impressions fâcheuses ? S'il vous en souvient bien, chère madame, vous avez mis pour la première fois avant-hier l'horrible petit chapeau violet, qui est dû manquer le plus révoltant. Première culotte, chère madame. Voulez-vous un dernier exemple ? Observez monsieur votre mari. Hier, il sort maussade. Il avait mal déjeuné. Et voilà que le soir, vers 7h15, il revient de la chambre, joyeux, content, le sourire aux lèvres, la bonne humeur dans les yeux. Il vous embrasse au front avec un certain abandon. Jette sur le guéridon d'un geste aisé une foule de brochures et de papiers. Il se met à table, trouve le potage exquis et dévore joyeusement. Qu'a donc mon mari, dites-vous ? Je vais vous l'expliquer. Monsieur votre mari a parlé hier pour la première fois dans cette enceinte que vous savez. Il a dit, la séance était chaude, on élucidait à gauche une infernale question. Il a dit, au plus fort de la bagarre, en frappant son pupitre de son couteau à papier, il a dit, mais on n'entend pas. Et comme ces quelques mots étaient salués par l'approbation générale, que de tous côtés on disait, très bien, parfait, très bien, très bien, il a donné à son idée une forme plus parlementaire et a ajouté « La voix de l'honorable orateur n'arrive pas jusqu'à nous. Ce n'est pas grand-chose, si vous voulez, et l'amendement pourrait bien passer quand même. Mais enfin, c'est un pas. Disons toute la vérité, c'est un triomphe, puisque voilà 6 ans que monsieur votre mari remet au lendemain pour lancer dans l'enceinte sa première parole. Voilà un député heureux. Voilà un député qui vient de remettre sa première culotte. Qu'importe que la cause soit futile ou sérieuse, si le sang circule plus vite, si l'on se sent plus heureux, si l'on est fier de soi. Remporter une grande victoire ou mettre un chapeau neuf, peu importe si ce chapeau vous cause la même joie qu'une couronne de laurier. Donc, ne vous moquez pas trop du bébé si sa première culotte l'enivre, si, lorsqu'il la porte, il trouve son ombre plus allongée et les arbres moins hauts. Il commence son métier d'homme, le cher enfant, pas davantage. De combien de choses n'a-t-on pas tiré vanité depuis que le monde est monde ? On a été fier de son nez sous le roi chevalier, on le fut de sa perruque au grand siècle, et plus tard de son appétit et de son embonpoint. On est vaniteux de sa femme, de sa paresse, de son esprit, de sa bêtise, de la barbe qu'on a au menton, de la cravate qu'on a au cou, de la bosse qu'on a dans le dos. Bébé des champs, caneton, poulet. J'aime le bébé qui court sous les arbres des Tuileries. Je les aime bien, ces belles petites filles blondes, aux longs cheveux frisés, aux bas blancs bien tirés, à la crinoline intraitable. J'aime à suivre de l'œil toutes ses bambines parées comme des châsses, déjà coquettes et minaudant autour de leur maman. Il me semble que dans chacune d'elles, j'aperçois des milliers de ravissants défauts, montrant déjà le bout de l'oreille. Mais toutes ces petites femmes et ces petits hommes en miniature, échangeant des timbres-postes en jacassant toilette, me font un peu l'effet d'adorables monstruosités. Je les aime comme j'aime une grappe de raisin en février ou un plat de petits pois en décembre. Dans le royaume des bébés, mon préféré, mon ami, c'est le bébé des champs, courant sur la grande route, au milieu de la poussière, pieds nus, déguenillés, ou dénichant des nids de merles et de pinsons sur la lisière du bois. J'adore son grand œil noir étonné qui vous regarde fixe entre deux mèches de cheveux incultes, ses petites viandes fermes dorées par le soleil, son front noirci perdu sous sa chevelure, sa figure barbouillée et sa culotte pittoresque qu'empêchent de tomber à terre la bretelle paternelle retenue par un gros bouton de métal, un cadeau de gendarme. Ah, la belle culotte! Pas assez de jambes, mais dans le reste, quelle ampleur! Il s'y cacherait tout entier, le petit sauvage, dans ce reste immense qui laisse échapper par une large fente un beau bout de chemise qui flotte comme un drapeau, j'allais dire un drapeau blanc. Cette bonne culotte conserve un souvenir de tous les vêtements de la famille. Voici un morceau du jupon maternel, puis un débris de gilet jaune, puis un lambeau de mouchoir bleu. Le tout maintenu, cousu avec un fil qui a le double avantage de se voir de loin et de ne pas casser. Mais sous ces vêtements rapiécés, on sent un petit corps solide. Et qu'importe d'ailleurs les vêtements. Le bébé des champs n'est point coquet, et quand la patache descend la côte au bruit des grelots, qu'il faut s'élancer à sa poursuite, bousculer les voisins, tomber avec eux dans la poussière et rouler dans les fossés, que ferait cette chère marmaille d'une culotte courte et de bas de soie? Je les aime aussi parce qu'ils sont sauvages, s'effarouchent et s'enfuient à votre approche comme une troupe de petits lapereaux joueurs qu'on surprend le matin parmi le serpolet. Il faut employer mille détours pour triompher de leur frayeur et gagner leur confiance. Mais si enfin, grâce à votre prudence, vous vous trouvez dans leur compagnie, d'abord les jeux cessent, les éclats et les cris s'éteignent, la petite troupe reste immobile, se gratte la tête et tous les yeux inquiets vous regardent fixement. C'est le moment délicat. Un mot sec, un geste dur peuvent vous brouiller à tout jamais avec eux, comme aussi une bonne parole toute ronde, un sourire, une caresse feront bientôt leur conquête. Et la conquête en vaut la peine, croyez-moi. Un de mes grands moyens de séduction était celui-ci. Je tirais ma montre de mon gousset et je la regardais avec attention. Alors, je voyais mon petit monde tendre le cou, écarquiller les yeux, s'avancer d'un pas, et il arrivait souvent que les petits poulets, les canetons et les oies, qui flânaient à trois pas de là dans l'herbe, imitaient leurs camarades et s'approchaient aussi. Je portais ensuite ma montre à mon oreille, et je souriais comme un homme qui reçoit une confidence. Devant ce prodige, mes bambins n'y tenaient plus, se regardaient entre eux de ce regard fin, naïf, peureux et moqueur, qu'il faut avoir vu pour comprendre. Il s'avançait cette fois pour tout de bon, et si j'offrais au plus hardi d'écouter aussi en lui tendant ma montre, il se reculait effrayé, quoique souriant, et la bande éclatait de joie. Les canetons battaient des ailes, les oies blanches ricanaient, les poussins faisaient couic-couic, et la partie était gagnée. Que de fois j'ai joué cette comédie, assis à l'ombre d'un saule, au bord de ma petite rivière qui chemine en chantant au milieu des pierres blanches, tandis que les roseaux s'inclinent en tremblotant. Le soleil chauffait dans la prairie, tout bourdonnait autour de nous, les fleurs des champs se pâmaient sur leurs tiges, et dans le lointain, les peupliers bleuâtres se balançaient autour du clocher. Ma marmaille se pressait autour de moi pour écouter la montre, et bientôt les questions s'élançaient en chœur au milieu des rires. Ils inspectaient mes guêtres, fouillaient dans mes grandes poches, s'appuyaient sur mes genoux, les canetons se faufilaient sous mes bottes et les grandes oies me chatouillaient dans le dos. Comment jouis de ne point faire peur à des êtres que tout fait trembler. Je ne bougeais pas de peur d'effaroucher leur joie, et j'étais comme un enfant qui construit un château de cartes et est arrivé au troisième étage. Mais je regardais toutes ces petites têtes heureuses se détachant sur le ciel bleu. Je regardais les rayons du soleil pénétrant dans le fouillis de leurs cheveux blonds ou s'étalant comme un large écu d'or sur leurs petits cous brunis. Je suivais leurs gestes pleins de gaucherie et de grâce. Je m'asseyais dans l'herbe pour être plus près d'eux. Et si un poussin malhabile chavirait entre deux pâquerettes, j'étendais le bras bien vite et le remettais sur pied. Je vous jure que tout mon public m'en était reconnaissant. Pour peu qu'on aime ce petit monde, une chose vous frappe lorsqu'on le regarde de près. Caneton qui barbote au bord de l'eau ou fait la culbute dans son écuelle. Jeune pousse qui dresse hors de terre ses petites feuilles frileuses. Petit poulet trottinant devant la maman poule ou petits hommes trébuchant dans l'herbe. Tous ces petits êtres-là se ressemblent. Ils sont bébés de la grande mère nature. Ils ont un code commun. Une physionomie commune. Ils ont je ne sais quoi de comique et de gracieux, de gauche et de tendre, qui les fait aimer tout d'abord. Ils sont parents, amis, camarades, sous le même drapeau. Et ce drapeau blanc et rose, saluons-le quand il passe, vieux barbon que nous sommes. Il est béni et s'appelle l'enfance. Tous les bébés sont ronds, souples, faibles, peureux, douillets au toucher, comme une poignée de watts, protégés par des coussins de bonne chair rosée ou par une couche de duvet moelleux. Ils s'en vont, roulant, trébuchant, tirant à eux leurs petites pattes novices, agitant en l'air leurs menottes rondelettes ou leurs ailes déplumées. Voyez-les s'étalant pêle-mêle au soleil, sans distinction d'espèce, se gorgeant de lait ou de pâté, et osez dire qu'ils ne sont point pareils. Qui sait si tous ces enfants de la nature n'ont pas un point de départ commun, s'ils ne sont pas frères du même principe? Qui sait si la source de vie n'est point une? La Providence anime un chêne, un poulet ou un homme, mais qui me dira que ces trois souffles vivifiants diffèrent? Qui me dira qu'une même cause n'a pas produit tant d'effets différents? Depuis qu'il y a des hommes à lunettes vertes, on se plaît à étiqueter les êtres de ce monde. On les range, on les divise en catégories, on les classe, on les ordonne, ainsi qu'un apothicaire soigneux qui veut de l'ordre chez lui. Ce n'est point une petite affaire que de caser chacun dans le tiroir qui lui convient, et j'ai ouï dire que certains sujets restaient sur le comptoir pour appartenir à deux cases à la fois. Et qui me prouve en effet que ces cases existent? Qui me dit que le monde entier n'est point une même famille, dont les parents diffèrent par des riens que nous croyons tout? Les avez-vous constatés, ces tiroirs, ces compartiments? Avez-vous vu les barreaux de fer de ces cages imaginaires où vous emprisonnez les règnes et les espèces? N'y a-t-il point d'infinies variétés qui échappent à votre analyse et sont comme le lien ignoré qui réunit entre elles toutes les parcelles du monde animé? Pourquoi dire à ceci l'éternité, à cela le néant? Pourquoi dire celui-ci est l'esclave, celui-là est le roi? Singulière hardiesse pour des gens qui ignorent à peu près tout. Homme, animal ou plante, l'être frémit, souffre ou jouit, existe et renferme en lui la trace du même mystère. Qui me dit que ce mystère, qui est partout le même, n'est point le signe d'une même parente, n'est point le signe d'une grande loi que nous ignorons? C'est un rêve, allez-vous dire, que je fais là. Et qu'est-ce donc que la science fait elle-même quand elle arrive à ce moment suprême où les loupes deviennent troubles et les compas impuissants? Elle rêve aussi, la science, elle suppose. Supposons, nous aussi, que l'arbre est un homme à la peau rude, rêveur et silencieux, qui aime aussi à sa façon et frémit jusque dans ses racines, lorsqu'un soir un vent tiède, chargé des senteurs de la plaine, arrive en soufflant dans sa chevelure verte et l'inonde de baisers. Non, je n'accepte pas l'hypothèse d'un monde fait pour nous, orgueil enfantin qui serait absurde si sa naïveté même ne lui prêtait quelque poésie. L'homme n'est point un but, un total une fin, l'est un de ces anneaux d'une chaîne immense dont nous ignorons les deux bouts. N'est-ce pas consolant de rêver que l'on n'est point une puissance isolée à laquelle le reste du monde sert de piédestal, comme l'on n'est point un destructeur patenté, un pauvre tyran fragile que des décrets arbitraires protègent, mais bien la note nécessaire d'un accord infini. De rêver que la loi de la vie est la même dans l'immensité et rayonne sur les mondes de la même façon qu'elle rayonne sur les cités, qu'elle rayonne dans les fourmilières. De rêver que chaque vibration de nous-mêmes est l'écho d'autres vibrations. De rêver un principe unique, un axiome primordial. De penser que l'univers nous enveloppe comme une mère enveloppe son enfant de ses deux bras. De se dire « je suis à lui et il est à moi ». Il cesserait d'être sans moi, je n'existerais pas sans lui. De ne voir enfin que la divine unité de loi qui ne pourrait pas ne pas être, là où d'autres n'ont vu que la fantaisie souveraine et le caprice d'un individu. C'est un rêve, peut-être, mais je l'ai fait souvent en voyant les bébés du village se rouler sur l'herbe tendre, au milieu des canetons. L'automne, soupe aux choux, grande pluie. Connaissez-vous l'automne, cher lecteur ? L'automne en plein champ, avec ses bourrasques, ses longs soupirs, ses feuilles jaunies qui tourbillonnent au loin, ses sentiers détrempés, ses beaux couchers de soleil, pâles comme le sourire d'un malade, ses flaques d'eau dans les chemins. Connaissez-vous tout cela ? Si vous avez vu toutes ces choses, vous n'y êtes certes pas resté indifférent. On les déteste ou on les aime follement. Je suis au nombre de ceux qui les aiment, et je donnerai deux étés pour un automne. J'adore les grandes flambées. J'aime à me réfugier dans le fond de la cheminée, ayant mon chien entre mes guêtres humides. J'aime à regarder les hautes flammes qui lèchent la vieille ferraille aux dents pointues et illuminent les noires profondeurs. On entend le vent siffler dans la grange, la grande porte craquer, le chien tiré sur sa chaîne en hurlant. Et malgré le bruit de la forêt qui tout près de là rugit en courbant le dos, on distingue les croassements lugubres d'une bande de corbeaux qui luttent contre la tempête. La pluie bat les petites vitres, on songe à ceux qui sont dehors en allongeant ses jambes vers le feu, on songe au marin, au vieux docteur conduisant son petit cabriolet dont la capote se dandine, tandis que les roues enfoncent dans l'ornière et que Cocotte hennit contre le vent. On pense aux deux gendarmes dont le tricorne ruisselle, on les voit morfondus, trempés, courbés en deux et cheminant dans le sentier des vignes, assis sur leur monture que recouvre le grand manteau bleu. On songe aux chasseurs attardés courant dans la bruyère, poursuivis par l'ouragan comme le criminel par le châtiment, sifflant son chien, la pauvre bête qui barbote dans les marais. Infortuné docteur, infortuné gendarme, infortuné chasseur. Et tout à coup la porte s'ouvre et bébé s'élance en criant « Petit père, le dîner est servi !» Pauvre docteur, pauvre gendarme, qu'est-ce qu'il y a pour dîner ? La nappe était blanche comme la neige en décembre, les couverts étincelaient sous la lampe, la fumée du potage s'engouffrait sous l'abat-jour et voilait la flamme en répandant une bonne odeur de choux. Pauvre docteur, pauvre gendarme. Les portes étaient bien closes, les rideaux soigneusement tirés. Bébé se hissait sur sa grande chaise et tendait le cou pour qu'on lui nouât sa serviette, tout en criant les mains en l'air « La bonne soupe aux choux !» Et souriant en moi-même, je disais « Le bambin à tous mes goûts !» La maman arrivait bientôt et toute joyeuse, ôtant ses gants étroits « Il y a, je crois bien, monsieur, quelque chose que vous aimez beaucoup !» me disait-elle. C'était jour de faisan, et instinctivement je me retournais un peu pour voir sur le buffet la bouteille poussiéreuse de mon vieux chambertin. Faisan et chambertin, la Providence les créa l'un pour l'autre, et ma femme jamais ne les a séparés. « Sabre de bois, mes enfants, qu'on est bien chez nous » m'écriai-je en riant de bon cœur. « Sabre de bois, sabre de bois !»« Pistolet de paille !» ajoutait bébé en tendant le bec au potage, et tout le monde éclatait de rire. pauvre gendarme, pauvre docteur. Oui, oui, j'aime beaucoup l'automne, et mon gros chéri l'aimait aussi comme moi, non pas seulement à cause du plaisir qu'il y a à se retrouver ensemble autour d'un grand beau feu, mais aussi à cause des bourrasques elles-mêmes, du vent et des feuilles mortes. Il y a un charme à affronter tout cela. Que de fois avons-nous été tous deux nous promener dans les champs en dépit du froid et des gros nuages. Nous étions bien couverts, chaussés de nos grosses bottes. Je lui prenais la main et nous partions à l'aventure. Il avait 5 ans alors et trottait comme un homme. Grand Dieu, il y a 25 ans de cela. Nous remontions la petite route jonchée de feuilles humides et noires. Les grands peupliers dépouillés, grisâtres, laissaient entrevoir l'horizon et l'on apercevait au loin sous un ciel violet, lamé de bandes jaunâtres et froides, les toits de chaume affaissés et les cheminées rouges d'où s'échappaient des petits nuages bleuâtres que chassait le vent comme un furieux. Bébé sautait de joie, retenant de sa main son chapeau qui voulait s'envoler, et puis me regardait de ses petits yeux brillants sous les larmes. Ses joues étaient rouges de froid, et tout au bout de son nez pendait une petite perle transparente et prête à tomber. Mais il était joyeux, et nous longions les prés humides sur lesquels s'étalait la rivière débordée. Plus de roseaux, plus de nénuphars, plus de fleurettes sur les bords. Quelques vaches entrant dans l'herbe humide jusqu'à mi-jambe, épaissant lentement. Dans le fond d'un fossé, à côté d'un gros tronc de saule, deux petites filles blotties l'une contre l'autre sous un grand manteau qui les entortillait. Elles gardaient leurs vaches, les pieds à moitié nus, dans des sabots fendus, et leurs deux petits visages transis apparaissaient sous le grand capuchon. De temps en temps, de larges flaques d'eau où se reflétait le ciel blafard barraient le chemin, et nous restions un instant au bord de ces petits lacs frissonnants sous la bise à voir flotter les feuilles gondolées. C'étaient les dernières. On les voyait se détacher du sommet des grands arbres, tournoyer dans l'air et se précipiter dans la flaque. Je prenais mon petit homme dans les bras et tant bien que mal, nous passions outre. Au bord des champs brunis et vides, on voyait une charrue chavirée ou une herse, laissée là par hasard. Les ceps de vigne dépouillés rampaient à terre et les échalas raboteuses et humides étaient réunis en gros tas. Je me souviens qu'un jour, dans l'une de ces promenades d'automne, arrivé au haut de la colline, dans un chemin défoncé qui longe les bruyères et mène au vieux pont, le vent se mit tout à coup en fureur. Mon chéri, suffoqué, s'accrochait à ma jambe et s'abritait dans le pan de mon paletot. Mon chien, de son côté, s'arc-boutant sur ses 4 pattes, la queue entre les jambes et les oreilles flottantes, me regardait aussi. Je me retournais. L'horizon était sombre comme un fond d'église. D'immenses nuages noirs accouraient sur nous, et de tous côtés, les arbres se penchaient en gémissant sous les torrents d'eau que chassait la bourrasque. Je n'eus que le temps d'emporter mon petit homme, qui pleurait de frayeur, et j'allais me blottir contre une haie qu'abritaient un peu les vieux saules. J'ouvris mon parapluie, je m'accroupis derrière, et déboutonnant mon grand paletot, j'y fourrai mon bébé, qui s'y réfugia en me serrant de bien près. Mon chien vint se mettre dans mes jambes, et bébé, ainsi abrité par ses 2 amis, commença à sourire du fond de sa cachette. Je l'apercevais par une ouverture et je lui disais « Eh bien, petit homme, es-tu bien ?»« Oui, papa chéri. » Je sentais ses 2 bras qui me serraient la taille. J'étais plus mince qu'à l'heure qu'il est, et je voyais bien qu'il m'était reconnaissant de lui servir de toit. À travers l'ouverture, il étendit ses petites lèvres et j'approchai les miennes. « Est-ce qu'il pleut encore dehors, petit père ?»« Voilà que c'est bientôt fini, mon camarade. Déjà, j'étais si bien dans toi. » Comme tout cela vous reste au cœur. C'est peut-être niaiserie que de raconter ces petits bonheurs-là, mais qu'il est doux de s'en souvenir. Nous rentrâmes à la maison, crottés comme des barbets, et nous fûmes grondés d'importance. Mais quand le soir fut venu, que bébé fut couché et que j'allais l'embrasser, le chatouiller un peu, c'était notre habitude, il m'entoura le cou de ses 2 bras et me dit dans l'oreille « Quand il pleuvra, nous irons encore, dis !»